Le comité préparatoire du Nord de la Conférence pan-nationale pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud a lancé le 31 janvier un communiqué. En voici le résumé. À la hausse de l'aspiration et de la demande des compatriotes pour marquer à tout prix une nouvelle phase de la réunification indépendante, les préparatifs pour le grand rendez-vous de toute la nation en faveur de la réunification sont promus dynamiquement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et les formations de toutes les couches citoyennes, notamment ouvriers, paysans, jeunes, femmes et religieux, se sont déterminés à tenir solennellement le grand rendez-vous de toute la nation en faveur de la réunification en cette année significative des 45 ans de la déclaration commune du 4 juillet et des 10 ans de la déclaration du 4 octobre pour inaugurer l'âge d'or de la réunification du pays. À la suite de la constitution le 12 dernier du comité préparatoire de Busan pour la conférence pan-nationale, le comité préparatoire du Sud pour la conférence des jeunes étudiants pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud a vu le jour, alors que le 19 dernier à Séoul a eu lieu la cérémonie de constitution du comité préparatoire du Sud de la conférence pan-nationale pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud, en présence des délégués des formations et des personnalités de tous les paliers. Toutes les régions de Corée du Sud, notamment Séoul, Gwangju et la province du Gyeongsang du Sud, ainsi que des formations de toutes les couches, surtout ouvriers, paysans, jeunes et étudiants aussi, dynamisent le travail pour fonder les comités préparatoires. À l'étranger aussi, à la suite de la mise sur pied de la Commission d'experts d'Outre-mer, du Comité d'experts communs du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour les préparatifs de la conférence pan-nationale le 16 décembre de l'année passée, les activités sont déployées cette année pour la réussite de la conférence nationale conformément à la réalité régionale. L'atmosphère pour l'ouverture du grand rendez-vous de la réunification de toute la nation étant animée plus que jamais au Nord, au Sud et à l'étranger avec les préparatifs dynamisés, une réunion d'experts communes du Nord, du Sud et d'Outre-mer se tiendra à la première décade de février à Shenyang de Chine pour délibérer des questions sur les préparatifs de la conférence pan-nationale.